C'est le temps de l'album de la semaine. Bien sûr, à chaque semaine, je vous parle d'un album francophone que le commentaire, vous pouvez le lire sur les sites de Centraire, www.centraire.qc.ca ou www.quebecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Et cette semaine, vu que dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019, on a décidé d'y inclure la finale de Accro de la chanson 15 2019, eh bien, j'ai peut-être pensé que ce serait intéressant de vous parler de l'album. L'album comme tel, qui est disponible via la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, vous faites Accro de la chanson et vous allez le trouver, ça c'est sûr, sur l'Internet. Eh bien, voilà, ça fait une quinzaine d'années que la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la FJFNB, contribue à l'essor de la culture acadienne du Nouveau-Brunswick. Plusieurs artistes musicaux acadiens aujourd'hui ont débuté leur carrière grâce à l'expérience du concours Accro de la chanson. Encore une fois, pour la 15e fois cette année, la Fédération de la jeunesse encourage les jeunes à faire de la musique en français dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Afin que ces jeunes aient une expérience inoubliable, elle les a entourés de parrains Julie Aubé des Hey Babies et Gabriel Malenfant de Radio Radio, ainsi que des bons formateurs et artistes établis comme Sébastien Michaud du groupe Les Païens. Il y a aussi Georges Béliveau, Danny Bourgeois et Jean-Pascal Comeau qui ont encadré les 6 finalistes, 3 artistes solo, 3 groupes pour la grande finale qui aura lieu justement dans le cadre du Congrès mondial acadien. On va y aller avec une première pièce. Il s'agit tout simplement de la chanson « Autour de moi » de Maude Saunier. Pourquoi faut-il être une fille parfaite? Pourquoi dois-je vivre une vie sans défaite? Pourquoi dois-je suivre toutes ces règles à la lettre? Pourquoi dois-je sembler comme toutes les autres? Pourquoi être moi-même, ça ne suffit pas? Pourquoi dois-je être ce personnage inventé qui n'ose se démaquiller? Quand je regarde dans le miroir, je n'y vois que des idées noires. Quand je regarde dans le miroir, quand je regarde dans le miroir, je n'y vois que le désespoir, des larmes séchées, un cœur brisé. Dis-moi, tu passes des heures sous ton cœur artificiel. Dis-moi, tu penses vraiment que ces photos sont à l'échelle? Dis-moi, tu ne peux différencier le faux du réel, non. Dis-moi, noir, blanche, petite, grande, ça te dérange? Dis-moi, ma taille de jeans, à quelle importance? Dis-moi, la beauté est objective selon toi. Quand tu regardes autour de toi, dis-moi donc c'est quoi tu vois? Quand tu regardes autour de toi, parce que moi la seule chose que je vois sont des millions de gens désespérés, des larmes séchées, des cœurs brisés. Comme moi, je vois pas passer ma vie à être quelqu'un que je ne suis pas. Non, je prie pour ceux qui ne sont pas avec moi, que vous retrouviez vos compas, vous apprenez à vous aimer. Hey, Les finalistes de cette 15e édition, eh bien, vous venez d'entendre autour de moi de Maude Saunier, très intéressant, une des pièces folk sur l'intégrité et l'estime de soi. Il y a aussi Marie-Ève Caron avec Vulnérable qu'on va entendre dans quelques instants, un des plus beaux textes de l'album. Il y a Maxime Boudreau qui, lui, nous offre un blues rock intense avec préférant l'inexistence. Au niveau des groupes, on y retrouve les quatre réalistes avec Immigration, un reggae rempli de gratitude, Constellation et leur mur de masque, un folk avec une touche gospel, et les Ananas qu'on va entendre en fin de commentaire qui nous proposent Ginette, un autre blues fort intéressant. Je vous donne une adresse, allez sur accrodelachanson.ca, accro avec un S bien sûr, accrodelachanson.ca ou encore Distribution Plage pour découvrir cet univers-là. Voici Vulnérable, Marie-Ève Caron. Tu m'as eu, tu avais tout en moi, tu avais mon âme, tu avais ma voix, tes tours de magicien m'ensorcellent, fini la liberté, je ne peux plus m'échapper, t'as coupé mes selles, par ta faute. J'ai trébuché, je suis tombée en amour. Ça peut plus continuer, je pourrais plus me relever. Je t'ai fait confiance. Tu l'as brisé avec aisance. J'étais faible et vulnérable. C'est comme si ton regard m'a aveuglé une fois amoureuse de toi. Tu m'as néantisé. Nous avons des Lisa Leblanc, Jean-Marc Couture, Joanny Benoît et bien d'autres. C'est un peu à cause de Accro de la chanson, un projet phare de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Cette belle expérience est souvent la première étape vers le Gala de la chanson de Caraquette et le Festival international de la chanson de Granby, comme on peut le voir avec Audrey Basque-Gauguin. Et Lisa Leblanc qui a gagné ce fameux Grammy-là. Découvrez les artistes acadiens de demain et procurez-vous Accro de la chanson 15 2019 en visitant leur site internet, c'est accrodelachanson.ca, accro avec un S, accrodelachanson.ca pour découvrir l'univers de ce beau projet phare de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, un projet fort intéressant qui incite les jeunes à faire de la musique en français dans les écoles. On va se quitter avec les ananas. Voici Ginette. Mon père il m'a marié avec un marchand de velours. Dès le premier soir de Bernassi, mon joué, il y a un bien tout. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle qui. Dès le premier soir de Bernassi, mon joué, il y a un bien tout. T'es venu frapper ma porte en 8-3 heures avant le jour. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle qui. Oh, il est venu frapper ma porte en 8-3 heures avant le jour. Lève-toi, jeune marié, oh, lève-toi, car il est jour. Dis-moi, Charlie, c'est une belle, dis-moi, Charlie, je suis belle gay. Oh, lève-toi, jeune marié, oh, lève-toi, car il est jour. Il y a des gens dans la boutique qui marchent en dessous le velours. Dis-moi, Charlie, c'est une belle, dis-moi, Charlie, je suis belle gay. Quel lion m'emporte la boutique aussi les marchands de velours. Y'a des chevaux sur mon père qui sont bien mieux soignés comme moi. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle qui. Oui, y'a des chevaux sur mon père qui sont bien mieux soignés comme moi. Ils ont du foin pis de l'avoine, les coups d'étrée, soir et matin. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle qui. Ayant du foin pis de l'avoine, les coups d'étrée, soir et matin. Suis jeune marié, il m'en donne pas tous les matins. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle gay. Oh, dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle gay. Très beau souvenir pour débuter le bloc de l'Est Québec-Ontario. J'ai pris ça de la compilation La nuit sur l'étang 1973-1998. Dis-moi Charles de Garoulou, groupe mythique de l'Ontario français. De l'Est de l'Ontario, la région de Cornwall, Hawkesbury, Alexandria. Et c'est vraiment bien fait. Et quand on pense souvent à Garoulou, on pense à cet univers de musique folklorique repris à la sauce rock, rock progressif des années fin 70, début 80. Mais une chose qu'on se souvient peut-être pas, c'est ou qu'on oublie facilement, c'est que Garoulou écrivait des chansons originales également. Donc, et puis, Jeannie René, qui depuis quelques mois nous reprend des chansons du terroir franco-ontarien à la sauce jazz, a décidé pour le mois d'août de nous offrir « Seul au centre-ville ». « Seul au centre-ville Je l'ai écouté et j'ai dit « Ah, ben oui, Seul au centre-ville » de l'album « Centre-ville » de Garoulou. Et à l'époque, Garoulou, les autres, ils avaient donné une pièce originale, premièrement, de Marc Lalonde, pas moi, mais le bassiste de Garoulou. Et « Seul au centre-ville », c'était une balade rock, pop-rock, comme il s'en faisait là, dans les débuts des années 80. Fort intéressante, un peu planant, un peu mélancolique. C'est vraiment bien fait. C'est une très bonne pièce. C'est une des belles chansons de Garoulou. Mais Jeannie René a décidé de remonter le tempo un peu, hein, d'augmenter le tempo et de lui donner une sauce jazz moderne, jazz contemporain, fort bien réussi, comme les trois autres pièces de son projet hashtag Je suis UFO. Vraiment, là, ce mois-ci, j'aime bien cette version-là. Donc, c'est très intéressant, c'est très entraînant. Vraiment bel effort de Jeannie René, qui, elle aussi, est de la région de l'Est de l'Ontario. Elle est de Van Cleek Hill, si je me souviens bien. Et non, cet auteur, compositrice, interprète-là, comme je vous dis, reprend des chansons de l'Ontario français et la met à la sauce jazz. Et ce mois-ci, c'est fort intéressant, c'est bien réussi. On va entendre ça dans quelques instants, « Seul au centre-ville » de Garoulou par Jeannie René. Par la suite, on va entendre une chanson de Annie Comtois, une autre artiste qui s'adonne dans le jazz folk. Assez intéressant, elle a sorti un album il y a peut-être un an de ça, un an et demi, ben non, un an environ. Et c'est l'album Les Escales. Vous pouvez faire Annie Comtois sur Facebook. Vous allez la trouver facilement. Et elle a une belle chanson sur cet album-là qui s'appelle « L'habit de l'imposteur ». Très intéressant comme pièce, très beau texte également. Donc, ça va nous amener à la pause de l'heure dans quelques instants. Mais pour l'instant, voici une belle reprise de Garoulou par Janie René. Ça s'appelle « Seul au centre-ville, version jazz ». Samedi soir, au cœur de la ville, tous les pensoirs sont un peu fragiles. C'est un jeu de miroir, chacun sur son île, seul au centre-ville. Comme des gants, t'enfiles tes envies. Cache ta peur derrière ton habit. Prends ton élan malgré ta peur avec ton chapeau d'imposteur. Quand j'enlève mon armure et que mes rêves se frappent à un mur, je me lève, parfois je bascule. J'enfile mon habit, je compte. j'observe le parcours des grands, des gens qui ont marqué les temps. Un travail de titan m'attend, ma passion brûle comme un volcan. Mais quand mon corps, à bout de souffle, me fait perdre pied près d'un gouffre, mille et une questions me rattrapent. Suis-je un imposteur sous ma cape? Quand j'enlève mon armure et que mes rêves se frappent à un mur, je me lève, parfois je bascule. J'enfile mon habit, je continue. Je compte.